بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Donc mes frères bien-aimés qu'Allah Azza wa Jal vous comble de ses bienfaits, vous accorde sa miséricorde dans ce bon monde et dans l'au-delà. De par sa grâce, subhanahu wa ta'ala, nous poursuivons les cours de sa soirée qui sont des cours à travers lesquels nous citons les noms d'Allah Azza wa Jal, les merveilleux et les plus beaux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala avec une partie de leur explication et des commentaires liés à cela. Actuellement, nous sommes en train de traiter les noms d'Allah Azza wa Jal qui se ressemblent et qui traite de sa miséricorde, de sa clémence et du fait d'accepter le repentir. Nous avons cité lors du cours précédent le sens du grand pardonneur, le très pardonneur, et aujourd'hui, Inch'Allah Azza wa Jal, nous parlons du clément et ce qui suit cela, bi'idhnillahi Azza wa Jal. Et avant d'entamer l'explication du nom le clément, nous ferons une révision rapide du sens du grand pardonneur et très pardonneur, Inch'Allah Azza wa Jal. Et c'est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que j'implore succès, rectitude et droiture dans ce qui va être dit. Amen. Donc la semaine passée, lors du dernier cours, nous avons cité le sens du tout miséricordieux, très pardonneur, grand pardonneur. Nous avons dit que Al-Ghafour, c'est celui qui pardonne les péchés aussi grands et énorme soit-il. Et Al-Ghaffar, c'est celui qui pardonne les péchés, quel que soit leur nombre et quelles que soient les fois où on les a répétés. Al-Ghafour concerne ou touche principalement ceux qui ont fait les grands péchés, les énormes péchés. Quelle que soit l'énormité de leurs péchés, Allah est Ghafour, il pardonne les grands péchés. Et ceux qui ont fait beaucoup de péchés, énormément de péchés, et ont répété les mêmes péchés plusieurs fois, Allah Azza wa Jal, c'est le Ghaffar, c'est le pardonneur des péchés, quel que soit leur nombre et le fois qu'on les ait accomplis et répétés. Les gens de science ont dit que Al-Ghafour, le pardonneur, et Al-Ghaffar aussi, c'est celui qui couvre les péchés et les cache, de manière à ce qu'il ne les dévoile pas dans ce bas monde, en dévoilant le péché aux yeux des gens, ou bien ils ne dévoilent pas leurs péchés, les péchés aux gens, ou bien ils ne dévoilent pas le châtiment qu'il aurait accordé suite à ce péché. Également, Allah Azza wa Jal ne dévoilera pas ces gens le jour de la résurrection, ni en faisant savoir qu'un tel a fait tel péché, ni en faisant subir à ces personnes le châtiment de leur péché. Al-Afou, c'est, selon certaines traductions, l'absoluteur. L'absoluteur, ou bien Al-Afou dans la langue arabe, c'est un terme qui veut dire qu'on pardonne et on annule la sentence qui devait suivre l'accomplissement d'une erreur. Dans la langue arabe, on peut dire que le roi, par exemple, afa, donc il absolue, afa anil mujrim. Donc il pardonne à la personne qui transgresse les lois. Que veut dire le roi lui pardonne? Ça veut dire que il ne lui fait pas subir la punition qu'il aurait dû subir, l'emprisonnement ou une autre punition, quelle qu'elle soit. Dans le sens de ce nom, ce noble nom, Al-Afu, le sens est le même. Allah Azza wa Jal pardonne le péché. Il est Afu, ça veut dire il pardonne le péché. Et il préserve celui qui l'a fait. Une fois qu'Allah Azza wa Jal lui pardonne, lui accorde son absolution, il préserve cette personne de subir les répercussions qu'il aurait dû subir suite à l'accomplissement de ce péché. Les savants disent également que le terme afou et al-afou renferme dans son sens l'effacement. On dit que le vent a effacé les traces. Riyah afat al-athar. Ça veut dire que le vent a effacé les traces des pas. Les savants ont dit donc que al-afou, parmi le sens de ce nom, c'est que il efface le péché et les effets du péché. Certains savants ont dit que Allah Azza wa Jal, c'est l'absoluteur, donc Al-Afu, c'est celui qui pardonne les péchés. Et il efface leurs effets totalement, au point où le serviteur ne sera point redevable de ce péché, yawm al-qiyama, et même on effacera le péché des registres des anges, et on fera même oublier le péché du cœur de celui qui l'accomplit, afin qu'il ne soit pas gêné en se rappelant ce péché. En gros et en globalité, Al-Afu, l'absoluteur, c'est celui qui pardonne les péchés accomplis par les serviteurs. Il les pardonne au sens qu'il ne fait pas tomber la sentence promise pour celui qui fait le péché. Donc, il le gracie. Et il efface le péché. De manière à ce que le péché n'ait plus d'existence plus tard. À partir du moment où Allah lui accorde son absolution, le péché n'aura plus aucune trace. Ni les gens le verront, le sauront, ni les gens se rappelleront, ni le péché sera retranscrit dans les tablettes ou bien les registres des actions de la personne, ni même la personne elle-même se rappellera de ce péché. Hajib, pourquoi? Afin que cette personne ne soit pas gênée le jour de la résurrection d'avoir accompli ce péché. Parce qu'Allah lui a pardonné, l'a gracié. Donc, de par sa générosité, sa bonté indescriptible, Allah veut que son serviteur soit apaisé, à l'aise, subisse le bien et ne subisse pas le mal, que son bonheur, Yom Kiyama, ne sera pas terni par un mauvais souvenir. Vous savez, nous, lorsqu'on se rappelle un mauvais souvenir, un jour on a fait ci, un jour on a fait ça, on est rongé par le remords, pour ceux qui ont un cœur vivant. On est dérangé, oui, mais comment moi je peux diriger la prière dans une mosquée alors que il fut un temps où j'ai fait ci? Comment ça, moi je peux faire le rappel à des gens alors que moi je faisais ça? Et donc, ça peut gêner la personne. Allah Azza wa Jal veut que ces personnes, en plus qu'il leur pardonne les mettent dans une certaine aisance et un certain bonheur. Ils oublient carrément le péché qu'ils ont accompli. Comme ça, ils n'auront pas ce remords. Le remords, ils l'ont eu dans le bas monde. Ils sont repentis, ils ont demandé le pardon, ils sont corrigés, ils ont fait les bonnes œuvres. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Alors, Allah Azza wa Jal a voulu qu'après ce moment-ci, il n'y ait plus ce qui ternit, ce qui amoindrit leur bonheur yawm al-qiyama. Et il va sentir que c'est une grâce et une bonté énormissime d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'absoluteur et l'afou, c'est celui qui efface le péché et ses effets et ses récompenses ou bien ses châtiments. Donc, il ne restera plus le péché dans le registre des œuvres de la personne. Dans ce bas monde, la personne ne sera pas ne sera pas sujet à comment dire l'aum non pas châtié l'aum le blâme n'am jazakum Allah khayran. La personne dans ce bas monde ne sera pas blâmée, elle n'encourra pas la colère d'Allah Azza wa Jal et n'aurait pas les effets néfastes du péché. Et le jour de la résurrection, cette personne n'attendra pas d'être dévoilée devant tout le monde et ne sera pas blâmée et également elle ne subira pas un châtiment pour cela. Donc l'afou, l'absoluteur, c'est celui qui pardonne le péché, qui préserve le serviteur de subir les effets et le châtiment du péché, dans ce bas monde et dans l'au-delà. Allah pardonne. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de blâme, de reproche. Il n'y aura pas ce point noir. Il n'y aura pas ce visage noirci de la personne yawm al-qiyam. La personne n'aura pas les effets des péchés. Rappelez-vous, nous avons cité la fois passée que les péchés ont des effets dans ce bas monde et dans l'au-delà, au niveau de la religion et au niveau de la vie d'ici-bas. Quand tu fais un péché, il se peut que ce péché ait un effet sur ta vie, sur ton risque, sur la bénédiction de ton risque, sur ta famille, sur tes enfants, sur ta voiture, sur beaucoup de choses. Donc si une personne fait un péché et qu'Allah absolue, bien lui accorde son absolution, alors cette personne n'aura pas ses effets, ses mauvais effets, ses effets néfastes du péché. Il ne sera pas blâmé. Allah Azza wa Jal ne le blâmera pas à partir de ce moment. Et les gens n'auront pas le droit de le blâmer suite à cela. Et il n'aura pas également cela, donc ni reproche yawm al-qiyama, ni blâme, ni reproche. Son péché sera effacé, il ne sera même pas dans son registre, incha'Allah. Et Allah Azza wa Jal le préservera du châtiment qu'il aurait dû supporter ou bien assumer du fait qu'il ait accompli ce péché. Donc nous voyons que parmi les éléments qui concernent l'absolution d'Allah Azza wa Jal, il y a le fait que cette personne n'est plus reprochable, n'est plus blâmable. Bien évidemment, dans ce bas monde, personne parmi nous ne sait est-ce qu'Allah lui a pardonné ou pas. Est-ce qu'Allah a absolu son péché ou pas. Une personne fait un péché, se repent, demande le pardon. Après, une autre personne lui dit « Toi, tu as fait ci, toi, tu as fait ça. » On ne peut pas lui dire « Mais comment tu me reproches cela alors que je me suis repenti et Allah m'a pardonné ?» Qui t'a dit qu'Allah t'a pardonné? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais on sait à travers le Coran et la Sunna qu'Allah Azza wa Jal a pu pardonner à certaines personnes précises qui ont fait des péchés précis. Nous avons l'exemple le plus connu, Adam alayhi salam. Adam alayhi salam a péché, a transgressé la loi d'Allah, a désobéi à son Seigneur et Créateur. Sauf que, il s'est repenti à son Seigneur. Il a demandé le pardon à Allah Azza wa Jal. Allah lui a accordé son pardon. Il a accepté son repentir, il lui a accordé son pardon. À partir de ce moment-là, personne n'a le droit de reprocher à Adam son péché. On n'a pas le droit de dire Adam a fait ce péché et on lui reproche cela. Comment tu lui reproches cela alors que son Seigneur, son Créateur, celui qui le juge, lui a pardonné, a accepté son repentir, a effacé son péché. Comment ça, toi, tu viens lui reprocher cela? Tu n'as pas le droit. Un autre exemple. Dans cet exemple, il y a une histoire. Une personne parmi les Khawarij est venue à Abdullah ibn Omar, le noble compagnon, le fils de Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu. Abdullah ibn Omar était dans la mosquée sacrée de la Mecque. Il est venu à lui pour lui poser des questions pièges, avec une mauvaise intention. Des questions concernant le calife, le noble compagnon Uthman ibn Affan. Il lui a dit, n'est-ce pas que Uthman n'a pas assisté à la bataille de Badr? Abdullah ibn Omar lui a dit, oui, il n'a pas assisté à la bataille de Badr. N'est-ce pas vrai que Uthman ibn Affan s'est sauvé pendant la bataille de Uhud? Abdullah ibn Omar lui a dit, effectivement, il s'est sauvé pendant la bataille de Uhud. N'est-il pas vrai que Uthman ibn Affan n'a pas assisté à l'allégeance de Ar-Ridwan, Bi'at Ar-Ridwan? Il a dit, effectivement, il n'a pas assisté. Le Khariji a eu une parole, une confirmation du noble compagnon Abdullah ibn Omar. Il a dit, Allahu Akbar, j'ai eu ma preuve contre le gouverneur. C'est une mauvaise personne. Les gens ont dit à Abdullah ibn Omar, tu sais que cette personne peut dire que Abdullah ibn Omar a critiqué le noble compagnon et gouverneur Uthman ibn Affan. Après, il l'a rappelé. Il lui a dit, tu m'as posé une question concernant Uthman ibn Affan liée à son absence lors de la bataille de Badr. Tu m'as dit, est-ce qu'il a assisté? Question directe. J'ai dit, il n'a pas assisté. Ça, c'est une... Là, il y a une leçon. Quand tu poses une question, le questionné, des fois, te répond à ta question. A-t-il assisté à la bataille? Il n'a pas assisté. Que veux-tu dire de cela? Moi, je ne sais pas. Est-ce qu'il a assisté? Non, il n'a pas assisté. Tu as une bonne intention, une mauvaise intention. Je ne te connais pas. Tu m'appelles au téléphone. Tu m'envoies un message, tu m'envoies un mail, tu viens me voir après un cours. Tu me dis, est-ce qu'il a assisté? Il n'a pas assisté. Je ne peux pas savoir, on ne peut pas savoir. Qui es-tu? Que cherches-tu? Tu as posé une question, je t'ai répondu. Et malheureusement, il y a des gens qui ont dit, ah oui, le cheikh a dit ça, donc ils vont transformer la réponse selon leur guise à eux, ce qu'ils veulent. C'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est pour ça que certains savants, lorsqu'ils répondent, ils disent « Le questionneur a dit tel, tel, tel, tel, ma réponse est tel, tel, tel, tel. » Des fois, certains chouyours, tu lui envoies une feuille pour poser une question, il prend cette feuille et il répond sur cette même feuille. Comme ça, on a la question et la réponse. Comme ça, on ne manipule pas la réponse. Tu m'as demandé « Est-ce que Uthman radiallahu anhu s'est absenté lors de la bataille de Badr ?» Je t'ai répondu que oui, sauf que il s'est absenté parce qu'il était dans l'obéissance à Allah et à son messager, alayhi salatu wasalam. Car Uthman ibn Affan était l'époux de la fille du prophète, alayhi salatu wasalam, qui, à cette période, très exactement, était très très souffrante. D'ailleurs, elle mourut de cet état de santé, juste après. Le prophète alayhi salam ordonna à Uthman ibn Affan de rester au chevet de son épouse, la fille du prophète alayhi salam. Donc, c'est le prophète alayhi salam qui lui ordonna. Bien sûr, Allah azza wa jal a validé. Et même le prophète alayhi salam a donné une part du butin à Uthman ibn Affan, alors qu'il n'a pas assisté. Pourquoi? Parce que Uthman ibn Affan allait assister pleinement, et c'est le prophète alayhi salam qui lui a donné une autre mission. Que peut-on lui reprocher? Rien. Deuxième question, ou bien l'autre question, n'est-il pas vrai que Uthman ibn Affan n'a pas assisté à l'allégeance de Ar-Ridwan sous l'arbre, où les compagnons, la totalité des compagnons, ont prêté allégeance au prophète alayhi salatu wasalam. C'est vrai qu'il n'a pas assisté. Mais pourquoi et comment ? Uthman ibn Affan, avant cet événement, avant l'allégeance au prophète alayhi salatu wasalam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé dans une mission. Il était représentant du prophète alayhi salatu wasalam vers les Mekwa, les gens de Quraysh, avant que la Mecque devienne musulmane, les gens de la Mecque deviennent musulmans. Le prophète alayhi salatu wasalam était parti faire la Umrah. Ils étaient pendant la période de cessez-le-feu, entre parenthèses, entre les musulmans et les Quraïchites. À un moment donné, le prophète alayhi salatu wasalam est parti, lui et les compagnons, faire la Umrah, comme tous les Arabes qui faisaient la Umrah dans la maison sacrée sans aucune contrainte. Là, subitement, les Quraïchites ont dit non. Comment ça ? Tu es notre ennemi, on te laisse faire ta Umrah tranquille. Tu rentres chez nous comme ça, tu vas nous déshonorer devant le monde entier. Le prophète alayhi salatu wasalam envoya Uthman ibn Affan pour des pourparlers. Il était en mission officielle envoyée par Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le bruit courut que les Quraïchites ont tué Uthman, là le prophète alayhi salatu wasalam a réuni les compagnons pour faire l'allégeance de Ar-Ridwan sous l'arbre. Et là le prophète alayhi salatu wasalam a pris sa main et il s'est prêté lui-même allégeance au nom de Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Elle est où la critique, elle est où l'erreur, elle est où la défaillance en Uthman ibn Affan? Non. Donc vous voyez que des fois des gens utilisent une vérité, une bribe de vérité, une partie de vérité pour l'utiliser dans le faux. C'est pour ça qu'on dit « Kalimatu haqqin urida biha batil » une parole de vérité à travers laquelle on a voulu une fausseté. Troisième erreur. N'est-il pas vrai que Uthman ibn Affan a déserté, bien s'est enfui pendant la bataille ? Effectivement, s'enfuir pendant une bataille, c'est un grand péché, c'est un péché capital. C'est un grand péché. Il y a des versets, il y a le verset là-dessus. C'est connu. Abdullah ibn Umar a dit effectivement, Uthman ibn Affan faisait partie des quelques compagnons qui se sont sauvés dans la bataille de Uhud. Vous connaissez l'histoire. Sur le mont de Uhud, le prophète alayhi salam a établi les archers. Il leur a dit « Restez dans ce lieu-là, quelle que soit l'issue de la bataille. Ne descendez que si je vous l'autorise. » Donc, les archers, à la fin de la bataille, à la fin de la première partie de la bataille, ils sont descendus. Les Quraïchites, ou bien les gens de Quraïch, ont vu la faille, donc ils ont pris le mont, ils étaient en hauteur, et la bataille s'est renversée. Donc les Quraïchites étaient triomphants et vainqueurs. Il y a eu le chaos dans les rangs des musulmans, le désordre, et quelques musulmans ont pris fuite. Parmi eux, Uthman ibn Affan. Pour défendre la vérité, les frères, il ne faut pas mentir. Pour défendre le vrai, il ne faut pas cacher la vérité. Il faut juste savoir quelle est la vérité et quel jugement doit-on donner à la vérité. Uthman ibn Affan a fui, lui et quelques compagnons. Sauf que Allah Azza wa Jal a attesté clairement et ouvertement dans le Coran qu'il leur a pardonné. وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْكُمْ أَوْ لَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ. Il y a qu'une ayat à la kulli hal. Non ? وَلَقَدْ عَفَ عَنْكُمْ. Donc, Allah Azza wa Jal, le juge, le Seigneur des mondes, celui qui a interdit de s'enfuir pendant la bataille, celui qui a ordonné de faire face aux ennemis, lui-même a pardonné à Uthman et aux autres compagnons. De quel droit viens-tu, toi, après la bataille, après tout ce qui s'est passé, après la mort du prophète, alayhi salatu salam, après la mort d'Abu Bakr et de Omar, tu viens reprocher à Uthman une chose qu'il a fait alors que Allah Azza wa Jalla lui a pardonné ? C'est une mauvaise intention que tu as. Donc, Abdullah ibn Omar lui a reproché le fait de reprocher à Othman un péché qu'il a fait, c'est un être humain, même si c'est parmi les meilleurs êtres humains après les prophètes et les messagers. Un des quatre califes. C'est le troisième meilleur après Abu Bakr et Omar, après le prophète alayhi salatu salam. Il a fait un péché. Allah lui a pardonné. Personne n'a le droit, après cela, de lui faire la reproche. Nous avons cité le très pardonneur, le grand pardonneur et l'absoluteur. Quelle est la différence entre ces noms? Les gens de science ont divergé sur comment différencier, comment séparer entre le sens de ces noms. Il y a plusieurs avis. Je vais me suffire de deux avis. Un des deux avis dit que le pardonneur, le grand pardonneur, le très pardonneur, c'est celui qui couvre le péché. Alors que l'afou, l'absoluteur, c'est celui qui efface. Et effacer est meilleur que cacher. Quand tu dis cacher, donc le péché est là, juste on le cache. C'est une grande chose. Et quand Allah cache une chose, c'est comme si elle n'était pas. Mais effacer totalement et carrément la chose, ça a un mérite supplémentaire. D'autres savants ont dit que, en vrai, ces deux familles de noms, Al-Ghafour et Al-Ghaffar et Al-Ghafir, et Al-Afou, sont très proches dans leur sens. C'est pour ça, des fois, on ne différencie pas entre les deux. Surtout lorsque un est cité en l'absence de l'autre. Si un est cité et l'autre n'est pas cité, celui qui est cité, Al-Ghafour, Al-Ghaffar ou bien Al-Afou, prend tous les sens des deux. Et si les deux sont cités, on peut distinguer un minimum entre les deux. Wallahu a'lam. Mais en général, les savants disent que c'est une chose simple, il n'y a pas lieu de trop rentrer dans trop de détails et trop être trop minutieux là où il ne faut pas, wallahu a'lam. Quels sont les effets du pardon des péchés et de l'absolution des péchés? Nous avons quatre effets, quatre fruits principaux. Premièrement, l'absence du blâme et de la colère. Deuxièmement, l'absence de la rétribution. Quatrièmement, l'absence de l'écriture et du rappel. Et cinquièmement, l'absence du dévoilement devant la création. Si Allah pardonne, si Allah absout le péché d'une personne, cela veut dire que cette personne n'aura pas de reproche, ne sera pas blâmée à partir du moment où Allah lui pardonne. Si Allah Azza wa Jal pardonne, absout le péché, ne le blâme pas, ne lui reproche pas, donc Allah Azza wa Jal ne sera pas en colère contre cette personne. Deuxièmement, l'absence de rétribution. Rétribution dans ce bas monde et dans l'au-delà. La rétribution dans ce bas monde, c'est ce que nous avons cité précédemment, c'est l'effet mauvais et néfaste du péché sur la religion et sur la vie ici-bas. L'effet du péché sur la religion, c'est la faiblesse de foi. C'est le point noir qui vient sur le cœur. C'est la déviance. Vous savez aussi, les péchés ramènent les péchés. Et les péchés ramènent la mécréance. Les petits péchés ramènent les grands péchés. Donc si Allah pardonne et absout le péché, tous ces effets-là ne seront pas. Également, nous avons dit que les péchés ont un effet sur la vie ici-bas. Ça peut être une cause de la maladie. Ça peut être une cause que tu aies un commerce et ton commerce ne marche pas. Ça peut être une cause que tu as de l'argent mais cet argent ne soit pas béni. Ça peut être la cause que ton épouse ne soit pas la bonne épouse. Elle ne soit pas obéissante, elle ne soit pas pieuse, elle ne craigne pas Allah, que tes enfants, que. Allah Azza wa Jal, à travers les péchés, il peut faire subir les gens des méfaits dans ce bas monde. Allah pardonne, Allah absout le péché, ses effets ne seront pas. Bi'idhnillah. Également, la rétribution, Yawm al-Qiyam, le jour de la résurrection. Allah pardonne le péché, Allah absout le péché, cela veut dire que le jour de la résurrection, il n'y aura pas les méfaits des péchés il n'y aura pas le méfait des péchés. De ce péché qui a été pardonné et absous. Ça veut dire que la personne n'aura pas le visage noirci par son péché. Allah Azza wa Jal ne le jugera pas à un jugement difficile sur ce péché. Et on ne trouvera pas le péché dans sa balance, et, ni dans son registre. Et il ne sera pas châtié pour ce péché pour lequel Allah Azza wa Jal lui a pardonné et a absous. Donc troisièmement, que le péché ne sera pas écrit dans son registre, venant de le citer, et même le péché ne sera, les gens ne se rappelleront pas le péché, ni les gens qui ont pu éventuellement le voir, Yom Qiyama, donc les gens qui ont pu voir le péché dans ce bas monde, Yom Qiyama, ils n'auront plus le souvenir de ce péché, et les anges n'auront pas une trace du péché, et même la personne qui l'a commis ne se rappellera même pas du péché. Et quatrièmement, c'est que la personne ne sera pas dévoilée devant la création. Vous savez tous que l'une des choses que l'être humain n'aime pas, c'est d'être dévoilé. Les erreurs, les péchés, les mauvaises choses qu'il a commis. Ce qui l'afflige énormément, c'est que la personne soit dévoilée. Donc, pour le bien, ou bien parmi les bons fruits de l'absolution des péchés et du pardon des péchés, c'est que la personne ne sera pas dévoilée, ni dans ce bas monde, ni dans l'au-delà. Rappelez-vous que dans l'au-delà, certaines personnes seront dévoilées devant tout le monde. Tout le monde, ça veut dire à partir de Adam alayhi salam jusqu'au dernier être humain. Et il y aura même les djinns, il y aura même les anges. On appellera Fulan ibn Fulan, un tel fils de un tel, tu as fait tel jour et tel jour, telle chose et telle chose. Et imaginez ce que les gens ont pu faire. Tel jour et tel jour, tu as fait telle chose et telle chose. Qui est-ce qui écoutera ? Ton père, ta mère, ton grand-père, tes grands-mères, tes oncles, tes tantes, tes cousins, tes neveux, tes fils, ta fille, ta femme, tout le monde saura. Tout ce que tu as caché, tout ce que la personne aura caché pendant toute sa vie. Les ennemis écouteront, les amis écouteront, ceux qui l'aimaient, ceux qui l'honoraient, ceux qui le détestent, tout le monde saura. Ce sera un dévoilement qui n'aura pas de semblable. Et bien sûr, ça aura un effet énormissime sur la personne. Allah Azza wa Jal préservera celui qui s'est repenti du péché, celui à qui il a accordé le pardon et l'absolution. Il sera préservé de cela. Comme nous avons cité la fois passée, le hadith dans lequel le prophète alayhi salam raconte que le jour de la résurrection, Allah Azza wa Jal ramènera un de ses serviteurs. وَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ Et il le couvrira. Et il lui parlera de lui à lui. Allah Azza wa Jal parlera à cette personne. Il n'y aura même pas un intermédiaire parmi les anges. Allah est le serviteur. Te rappelles-tu tel et tel jour, tu as fait telle et telle chose? Il ne prendra que les petits péchés. Oui Allah, je l'ai fait, je me rappelle. Te rappelles-tu tel et tel jour, tu as fait telle et telle chose? Oui mon Seigneur, je me rappelle. Te rappelles-tu tel et tel jour, tu as fait telle et telle chose? Oui, je me rappelle. Allah Azza wa Jal lui dira, je t'ai couvert dans le bas-monde et je te couvre dans ce bas-monde. Je te pardonne tes péchés et il ordonnera aux anges de transformer ces péchés en bonnes actions. Donc ces péchés, ces petits péchés deviendront des bonnes actions. Cette personne qui connaîtra son Seigneur, qui connaîtra la grande bonté de son Seigneur, dira à son Seigneur, oh, « Mon Seigneur, il y a des péchés que je ne vois pas ici. » Il parlait des grands péchés, parce que là, Allah ne jugera que sur les petits péchés. Il y a d'autres péchés, il n'a même pas osé dire mes grands péchés. Il y a d'autres péchés que je ne vois pas. Il espérait que ces autres péchés aussi soient pardonnés, soient transformés en bonnes actions. Allah fera, il rentrera au paradis. Donc vous voyez comment Allah Azza wa Jal, lorsqu'il absout les péchés, lorsqu'il pardonne, parmi les effets, c'est que la personne ne sera pas dévoilée devant tout le monde. La personne a fait un péché et elle s'est préservée dans ce bas monde. Elle s'est repentie, elle a demandé le pardon. Il sera préservé et couvert le jour de la résurrection. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder de sa bonté, de sa clémence et de sa miséricorde. Amen. Avant de clôturer le cours, j'aurais souhaité vous citer quelques textes religieux du Coran et de la Sunna qui relèvent la grandeur de la miséricorde d'Allah, du pardon d'Allah Azza wa Jal et de son absolution des péchés. Dans un verset, notre Seigneur et Créateur, le Tout-Haut Subhanahu Azza wa Jal, a dit, selon une traduction approximative et rapprochée des sens du Coran, dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-même, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Certes, c'est lui le tout pardonneur, le très miséricordieux. » Oui, subhanallah. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal interpelle les gens en disant « Dis, ô mes serviteurs ». Mes serviteurs, ceux qui sont dans la servitude d'Allah Azza wa Jal, ceux qui sont dans l'adoration, ceux qui sont en train d'accomplir ce pourquoi ils ont été créés. Allah n'a créé les djinns et les hommes que pour qu'ils l'adorent, pour qu'ils soient des serviteurs obéissants. Allah Azza wa Jal a décrit ces personnes, dit « Oh, mes serviteurs ». Mais quelle est leur description? Qui sont-ils? Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes. Subhanallah. Il est décrit comme étant des personnes qui ont fait des péchés, qui ont excédé dans les péchés. Et malgré cela, il les appelle mes serviteurs. Serviteurs et mes serviteurs. Subhanallah. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-même. Des excès, ça veut dire, ils ont excédé, ils ont fait trop, beaucoup de péchés. Au sens que c'est des grands péchés ou beaucoup de péchés. Qu'est-ce qu'il leur dit? Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Quel que soit ce que vous avez fait, aussi grand, grave soit-il, aussi nombreux soit-il, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés, les petits, les moins petits, les grands, les péchés capitaux, le shirk, la mécréance. Allah la pardonne, sous condition, mais Allah les pardonne. Donc toi qui as fait les péchés que tu as fait, les erreurs que tu as fait, ne dis pas ça, et moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, là je ne mérite pas, mon sort est scellé, c'est l'enfer, alors je profite au moins de cette dunya, je fais ce qu'il y a à faire et après j'assumerai. Dis pas ça. Quelles que soient les erreurs que tu as fait, après t'être repenti, après t'être mis sur la droiture, après t'être converti à l'islam, même si tu as fait des choses et des choses et des choses, ne désespère pas de la miséricorde d'Allah. Car ne désespère de la miséricorde d'Allah que les mécréants. Donc, ne désespère pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés, sans la moindre exception. Que ce soit les petits, les grands, les capitaux, le shirk, le kufr et la bid'ah, tous Allah les pardonne. À condition que tu reviennes repentant vers ton Seigneur. À condition que tu demandes pardon ou à condition que ton Seigneur t'accorde le pardon, même si tu n'as pas fait les causes. Car Allah pardonne ce qu'il veut à qui il veut. Certes, c'est lui le tout pardonneur, le très miséricordieux. Dans un autre passage du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, selon la traduction approximative et rapprochée des sens du Coran, et ceux qui n'invoquent pas avec Allah une autre divinité, qui ne tuent pas l'âme qu'Allah a rendue sacrée, sauf en toute justice, et qui ne commettent pas la fornication. Quiconque fait cela rencontrera un châtiment. Le châtiment lui sera multiplié le jour de la résurrection, et il y demeurera éternellement humilié. Sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre. Cela, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes actions et Allah est tout pardonneur, très miséricordieux. Dans ces versets, Allah Azza wa Jal a cité des personnes qui font trois péchés, parmi les plus grands. Il y a les grands péchés et il y a les péchés, le sommet des péchés. Et ces trois font partie des sommets des péchés. Le shirk billah, l'association, adorer autre qu'Allah avec Allah. La deuxième chose, c'est tuer une âme interdite. Et la troisième chose, c'est la fornication. C'est l'absolu des grands péchés, ces trois. Allah Azza wa Jal a dit, et ceux qui n'invoquent pas avec Allah une autre divinité, qui ne tuent pas l'âme qu'Allah a rendue sacrée, sauf en toute justice, et qui ne commettent pas la fornication, quiconque fait cela rencontrera un châtiment. Allah Azza wa Jal met en garde contre l'accomplissement de ces grands péchés capitaux. Le châtiment lui sera multiplié le jour de la résurrection. Et il y demeurera éternellement humilié. Sauf exception. Qui ? Sauf celui qui se repent. De quoi se repent-il ? De l'associationnisme, cité dans les premiers versets. Sauf celui qui se repent. Se repent de quoi ? Du meurtre. Sauf celui qui se repent de quoi ? De la fornication. Ça veut dire même le sommet des péchés, Allah Azza wa Jal, sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre, ceux-là, il aurait pu dire Allah leur pardonnera. Et quelle serait la joie de celui qui aurait commis ses péchés ? Mais la bonté d'Allah Azza wa Jal n'a pas de limite. La bonté d'Allah Azza wa Jal n'est pas restreinte. Allah Azza wa Jal a accordé à celui qui fait ses énormes péchés sa grâce et sa bonté. Et non seulement il va leur pardonner, mais il va changer ses énormes péchés en d'inimaginables bonnes actions. Hajib. Sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre, cela, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes actions et Allah est tout pardonneur, très miséricordieux. Que peut-on rajouter à tout cela ? Allah Azza wa Jal pardonne même la mécréance et le shirk. Tant que la personne se repent de cela et demande le pardon auprès d'Allah avant la mort. Certes, Allah ne pardonne pas à celui qui commet de l'associationnisme. En dessous de cela, Allah pardonne tous les péchés. Les savants disent que le sens de ce verset, c'est qu'Allah ne pardonne pas à celui qui meurt sans repentance de l'associationnisme, ou bien de la mécréance. Si une personne venait à mourir alors qu'il avait accompli la mécréance ou l'associationnisme et ne s'était pas repenti, une telle personne n'aura pas le pardon et demeurera éternellement en enfer. C'est l'associationnisme et l'associationnisme majeur. Mais si une personne a fait du shirk, a mécru, a dit des paroles de mécréance, a fait des actes de mécréance, et qu'Allah Azza wa Jal lui ouvre les portes du repentir et de la demande du pardon et de l'invocation et de l'accomplissement des bonnes actions, Allah Azza wa Jal lui pardonne. Il y a bien eu des personnes qui ont apostasié, même à l'époque des compagnons. Suite à la mort du prophète, il y a des gens qui ont apostasié. Mais alhamdoulilah, parmi eux, il y a ceux qui sont revenus. Et leur repentir a été accepté par les grands compagnons. Donc, ce qui n'est pas pardonné, c'est mourir sur la mécréance et le shirk. Sinon, même si dans ce bas monde, une personne a fait la sorcellerie, a fait tous les péchés que vous connaissez, si elle se repent, Allah lui pardonne. Bien sûr, si Allah le veut. Dans un hadith divin, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam rapporte que notre Seigneur le Tout-Haut a dit « Ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et que tu espères en moi, je te pardonne ce qu'il y a en toi et je n'en tiens aucun compte. Ô fils d'Adam, si tes péchés atteignaient les nuées du ciel puis que tu me demandais pardon, je te pardonnerai et je n'en tiendrai aucun compte. » Ô fils d'Adam, si tu me rencontrerais avec une quantité de fautes équivalente à la contenance de la terre, puis que tu me rencontrais sans rien m'associer, je viendrai à toi avec une quantité équivalente de pardon. Ce hadith est un hadith énormissime qui décrit notre Seigneur subhanahu wa ta'ala d'une description sans commentaire. Allah Azza wa Jal lui-même dans ce hadith a dit, c'est pas le prophète alayhi salam a raconté le hadith, Allah a dit, et ça donne de la valeur aux propos qui vont être dits. Allah a dit, ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et que tu espères en moi, je te pardonne ce qu'il y a en toi et je n'en tiens aucun compte. Tu m'invoques, tu invoques ton Seigneur, de quelque invocation qu'il soit, et que tu espères en moi, je te pardonne tes péchés. Je pardonne ce qu'il y a en toi, quelle que soit la chose, quelle que soit la faute, quel que soit le péché, quelle que soit la petitesse ou la grandeur ou la répétition, ou le grand nombre de péchés qu'il y a en toi. Je te pardonne. Tant que tu m'invoques et que tu espères en moi. Ô fils d'Adam, si tes péchés atteignaient les nuées du ciel, certains savants ont dit que cela veut dire que si tes péchés atteignaient les nuages, d'autres ont dit atteignaient jusqu'à la perte de vue quand tu vois vers le ciel. Là où ta vision s'arrête, si tes péchés remplissaient le lieu jusqu'à atteindre les nuages, parlons juste des nuages. C'est quel péché qui atteigne les nuages? C'est le fait d'avoir volé un bonbon lorsque tu avais 3 ans? Ou le fait d'avoir regardé très furtivement une seule fois par erreur une personne que tu n'aurais pas dû regarder? Ou une fois pendant un examen, tu as regardé la feuille d'un camarade de classe, tu as regardé furtivement alors que tu ne devais pas regarder, ou tu as entendu furtivement une discussion entre 2 personnes. C'est ça qui va remplir les péchés jusqu'à atteindre les nuages ou plus haut que les nuages. Ce qui va faire que tes péchés atteignent les nuages ou plus que les nuages, c'est soit la grande quantité de péchés, soit l'énormité de tes péchés. Malgré cela, ô fils d'Adam, Allah dit, subhanahu wa ta'ala, ô fils d'Adam, si tes péchés atteignaient les nuées du ciel, puis que tu me demandais pardon, tu me demandes pardon, je te pardonnerai. Aussi simple que ça. Tu demandes pardon, bien sûr, avec sincérité, avec présence du cœur et tout et tout. Tu demandes pardon, je te pardonne. Tu me pardonnes même si. En quantité ou en gravité. Je te pardonne. Tu me demandes pardon, je te pardonne. Ô fils d'Adam, si tu me rencontrais avec une quantité de fautes, de péchés équivalente à la contenance de la terre, puis que tu me rencontrais sans rien m'associer, je viendrai à toi avec une quantité équivalente de pardon. Si tu viens vers moi le jour de la résurrection, avec une quantité qui aurait pu remplir la terre de péché, ou bien si tu serais venu à moi le jour de la résurrection avec le poids de la terre, en péché, qu'est-ce qui peut remplir la terre qu'en péché? Voyez, nous qui sommes des êtres humains sur ce globe terrestre, que représentons-nous? Moins que rien. Mais si ce moins que rien que nous sommes arrivait à faire tellement de péchés et tellement de graves péchés que ces péchés rempliraient toute la terre entière, ou bien auraient le poids de toute la terre entière, si tu me rencontrerais avec une quantité de fautes équivalente à la contenance de la terre, qu'est-ce qui peut remplir la terre de péchés? Un seul péché? 10, 100, 1000 péchés pourront recouvrir la terre de péché. Énorme, une énormité de péchés. Pour remplir la terre, ça ne suffit pas, les petits péchés. Il faut aussi les grands péchés, les énormes péchés. Donc tout cela est pris en compte. Les péchés à répétition, les multiples péchés, les grands péchés, les graves péchés. Si tu me rencontrais avec une quantité de fautes équivalente à la contenance de la terre, puis que tu me rencontrais sans rien m'associer. Il n'a pas dit si tu m'invoques, si tu invoques mon pardon. Il n'a pas dit si tu me demandes pardon. Il n'a pas dit si tu te repens. Juste si tu es un mouahid. Si tu es une personne qui atteste de l'unicité d'Allah et qui a vécu, qui a pas fait de shirk. Dans tous ces péchés qui ont rempli la terre, s'il n'y a pas du shirk, juste s'il n'y a pas du shirk, je te pardonne tout. Je viendrai, je te rencontrerai avec l'équivalent de la terre tout entière de pardon. Hajib. Sans même repentance, sans même demande de pardon, sans même invocation. Ça, c'est l'un des grands mérites du tawhid, de l'unicité d'Allah. À lui seul peut être la cause du pardon des péchés inestimables. Là, à l'explication de ce hadith, Ibn Rajab al-Hanbali a dit que Allah Azzawajal a cité dans ce hadith trois façons de l'absolution des péchés et du pardon des péchés. L'invoquer avec espérance, la demande du pardon et le tawhid. Avec cela, Allah Azzawajal pardonne les péchés. Un poète a dit un beau poème que j'aurais souhaité partager avec vous. Il dit « Ô mon Seigneur, si mes péchés sont immenses par leur grand nombre, j'ai certes su que ton pardon est encore plus immense. Si nul autre que le bienfaisant n'espère en toi, alors qui donc espérerait et invoquerait le criminel ? Je n'ai auprès de toi d'autre moyen que l'espoir, ainsi que la beauté de ta clémence, puis certes je suis musulman. » Ô mon Seigneur, si mes péchés sont immenses par leur grand nombre, si je viens vers toi avec des péchés qui sont immenses et qui sont tellement nombreux, tellement grands, je sais que ton pardon est encore plus immense. Le pardon d'Allah, sa clémence, sa miséricorde embrasse toutes choses. Alors mes péchés, Inch'Allah, seront inclus dans ce tout qui est englobé par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ô mon Seigneur, si mes péchés sont immenses par leur grand nombre, j'ai certes su que ton pardon est encore plus immense. Si nul autre que le bienfaisant n'espère en toi, alors qui donc espérerait et invoquerait le criminel, le fauteur, le pécheur ? S'il n'y a que les personnes pieuses, s'il n'y a que les véridiques, les martyrs, les bienfaisants, les nobles personnes, s'il n'y a qu'eux qui peuvent espérer en la miséricorde d'Allah, à qui laisserons-nous les pécheurs ? Qui va invoquer le pécheur ? En qui aura-t-il espoir ? À qui s'accrochera-t-il ? Celui qui n'est pas Abu Bakr et Omar et Othman et Foulan et Foulan. Si nul autre que le bienfaisant n'espère en toi, alors qui donc espérerait et invoquerait le criminel, le pécheur ? Je n'ai auprès de toi d'autre moyen que l'espoir ainsi que la beauté de ta clémence. Et puis certes, je suis musulman. Je suis musulman, ô mon Seigneur, tu m'as créé pour t'adorer, je t'adore. Tu m'as créé pour te reconnaître, ô mon Seigneur, je te reconnais. Je crois en toi. Ô mon Seigneur, je fais ce que j'ai pu faire. Et j'ai fauté de par ma nature, de par mon imperfection, de par ma faiblesse, de par moi. Ô mon Seigneur, parce que j'ai cru en toi et j'ai fait ce que j'ai pu. J'espère en toi ta miséricorde et ton pardon. Et en tant, comme dernier hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Iblis a dit, par ta puissance, je ne cesserai de tenter tes serviteurs tant que leurs âmes seront dans leur corps. Allah répondit, par ma puissance et ma majesté, je ne cesserai de leur pardonner tant qu'ils me demanderont pardon. Dans ce hadith, Iblis dit à son Seigneur et s'engage solennellement et jure par Allah que je ne cesserai de tenter tes serviteurs tant que leurs âmes seront dans leur corps. Tant que leurs âmes seront dans leur corps, je ne cesserai, je n'aurai de relâche de chercher à les tenter pour te désobéir. Jusqu'à ce que l'âme sorte du corps. Voilà pourquoi celui qui est dans le lit de la mort est encore sujet aux tentations du shaitan. Et si vous vous rappelez, précédemment, je vous ai raconté l'histoire de Imam Ahmed Rahimahullah, qui était sur le lit de la mort. Son enfant lui disait, « Oh mon père, dis la ilaha illallah. » Lui disait, « Non, pas encore. » Et Imam Ahmed avait des évanouissements. Donc il perdait connaissance, après il reprenait connaissance. Et la sunna, c'est que quand une personne est sur le lit de la mort, on lui dit, « Dis la ilaha illallah. » Quand il reprenait connaissance, son fils lui disait, « Oh père, je te disais, dis la ilaha illallah, et toi, tu es qui tu es ?» Et tu disais, « Non, pas encore. » Imam Ahmed lui dit, « Non, je ne te répondais pas à toi. » Il lui a dit que Iblis est venu à lui, Shaitan était venu à lui, il lui disait, « Ça y est, tu as réussi, tu t'es préservé de moi. » Imam Ahmed lui répondait, « Non, pas encore. Mon âme est encore dans mon corps. » Et après, Iblis lui a dit, « J'ai utilisé cette ruse envers plusieurs personnes, une dizaine de personnes, ou bien quelques dizaines de personnes, et je les ai tous eu dans mes filets, et ils sont tombés dans le panneau, entre parenthèses. Il n'y a que toi qui as su, qui a vu la supercherie, et Imam Ahmed a été raffermi, et il n'a pas suivi dans cela. Ça veut dire que même dans le lit de la mort, on peut être éprouvé par un shaitan. Voilà pourquoi il faut demander tout le temps à Allah Azzawajal de nous raffermir. Allah répondit au shaitan, par ma puissance et ma majesté, Allah a juré. Allah, le Seigneur des mondes, jure. Je ne cesserai de leur pardonner tant qu'ils me demanderont pardon. Depuis qu'ils ont atteint la puberté jusqu'à la mort, chaque fois qu'ils font des péchés et qu'ils me demandent pardon, je leur pardonne. Quel que soit le péché, la quantité, la gravité, l'immensité, jusqu'au dernier souffle. Nous implorons notre Seigneur Créateur le Tout, subhanahu wa sawajal, de nous accorder sa clémence, sa miséricorde et ses bienfaits dans ce moment dans l'au-delà. Hada wallahu a'lam, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. S'il y a des questions, sinon je vous Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est quoi la différence entre le péché et le haram? Le péché, c'est faire ce qui est haram. Allah Azzawajal a interdit des choses. Faire ces choses, ça revient à transgresser l'ordre d'Allah. Et transgresser l'ordre d'Allah, cela veut dire, c'est ce qu'on appelle nous le péché. Wallahu a'lam. Exemple, voler. Allah a interdit de voler. Si une personne venait à voler, elle aurait transgressé l'ordre d'Allah, donc elle aurait commis le péché. Wallahu a'lam. Tafadhal. À droite. Je vous remercie déjà pour le partage. Alors, vous êtes venu pour cela. En fait, j'avais une question. Oui. Vu que, en fait, c'est Allah celle qui est le seul détenteur en fait, du grade de juge, est-ce que nous, en tant que serviteurs, on a le droit ou la possibilité en fait, de reprocher à un autre serviteur son péché? Non, c'est une très belle question, Barakallahu Fik. Donc le frère dit, dans ce qu'il a dit, que Allah, Azza wa Jalla, c'est le seul juge. a-t-on le droit, nous, en tant qu'êtres humains, de reprocher un péché à des personnes qui ont fait des péchés? Donc là, la réponse, il y a deux niveaux. Reprocher à une personne qui a fait un péché au sens de le réprimander sur ce péché, de mettre en garde contre cela, de mettre en garde de lui et ceux qui font le même péché, il n'y a pas de mal, Inch'Allah. Surtout si on réprimande le péché pour mettre en garde. Par exemple, dans une ville, il y a un péché qui est commis, l'usure, la consommation de l'alcool ou autre chose. On peut réprimander le péché en gros, en globalité. Si une personne venait à faire des perversités au vu de tout le monde, elle ne se cache de personne, et qu'on estime qu'il y a un besoin de mettre en garde contre cette personne qui fait ses obscénités devant tout le monde, on a le droit, alhamdoulilah. Maintenant, si une personne fait un péché entre lui et son Seigneur, il ne le montre pas à tout le monde, il ne s'en vante pas, c'est juste qu'on a su. On l'a vu, c'est notre frère, c'est notre fils, c'est notre mère, c'est notre père, c'est une personne, c'est notre collègue de travail, collègue à l'université ou à l'école. On a vu son péché. Là, on n'a pas le droit de se moquer de lui, de le railler avec ce péché. Wallahu a'lam. C'est clair pour toi? Wallahu a'lam. Oui? Ça aussi, c'est une question très pertinente. Donc, le frère pose la question, il dit, quelle est la différence entre l'istighfar et tawba? L'istighfar, c'est le fait de demander le pardon. Et tawba, c'est le fait de regretter et de se repentir d'un acte qu'on a accompli. Et la tawba, le repentir, peut renfermer l'istighfar. Et si Allah le permet, dans les prochains cours, on parlera du nom d'Allah, at-tawwab, et on citera ça, Inch'Allah. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك